monstre bizarre, plus un flow bizarre. Y'a personne qui zappe, y'a pas de lézard. Emballe le sésame dans un sac noir qui siffle, on me jouait le sac. Gros, j'aime trop ta zik. T'es les rex qui frappe, j'esquive la bague, j'm'évade avec un big. J'pourris toute la grappe, un drôle de bise, une puce de schlac qui bip. Et j'm'en vais droit au but, gros, t'es une pute. Qu'est-ce tu veux que j'te dis, j'peux rien pour ta répute. Et ça me répugne, ils sont remplis de vice. Pour un pack qui tue, madame la juge me croit condamné car j'ai pas fait d'études. Mais j'en rigole, j'continue de gratter. J'dois ramener le platine, j'ai pas d'idole, longtemps que j'ai pas rêvé. Y'a rien qui me fascine, c'est pas facile, j'me sens comme à l'asile. J'suis coupé de mes racines, sacré passif, j'en fais main, j'suis assis. Là j'ai 13 m'assassine, j'sais plus par où j'ai commencé. Trop de haine à compenser, j'ai pas le choix, j'dois sauver la mif. Du coup j'peux pas renoncer, j'attends le moment pour m'élancer. J'continue d'avancer, j'suis parti en retard, mais c'est pour mieux les devancer. Ben, et qui t'a dit qu'il y avait pas de talent dans leur fils de pute? J'ai plus besoin de la séduire, je l'ai fait jouir pendant préliminaire. Solution c'est fuir, rechercher pas pour des limineurs. Y'a rien de similaire, t'es qu'un simulateur. T'as pas d'ambition comme le régulateur. J'y vais même si c'est trop risqué. J'suis serein comme Isco. Mon passeport confisqué fait des nuits blanches au comico. J'suis jamais loin de la bonne idée. J'progresse incognito. Gloire à mon comité. All out la joga bonito. Laisse les forcer. Ils nous acquitteront. Ils ont pas trouvé de litron. J'les ai farcés. Ils en profiteront. Mais j'en ai dans le citron. À chaque peugli esquive anticipé. On est vite dissipé. J'suis là pour tout casser. Ça remplit pas le frigo de participer. Un bang peut en cacher un autre. Serflex pour attacher un homme. J'vais faire le con. Mais j'tombe pas dans le panneau. J'suis tout le temps parano. J'sais mais j'dis pas un mot.